est musical, tout son que l'on se donne la peine d'écouter. John Cage. Bonjour, madame. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. La musicalité n'est pas l'apanage de la musique. On parle de bruit pour désigner les éléments indésirables qui parasitent notre audition. Pourtant, à y tendre l'oreille, en changeant notre perception, cette variété infinie de son bruit qui peuple notre univers peut nous suggérer un paysage. Bonjour. Et quoi ? On enregistre les bruits chez les habitants. Il y a quoi, vous allez chez les gens ? Ouais, c'est ouais. Ça. Il y a des gens qui ouvrent. Ouais, ouais. Ça met tout. Ah non, il y a des gens qui ont pas tout le monde, mais. Ça met tout. Moi, je vous ouvre pas parce que j'ai un gros chien. Bah super, un chien. Ah non, on a besoin du chien. Non. Il peut aboyer. Non, elle n'est pas contente quand il y a quelqu'un. Et si on reste à la porte ? Mais elle aboiera pas. Si vous allez sous la dalle, elle va vous voir, elle va aboyer. Ah ouais. Ah parce que vous êtes de ce côté-là. Bah oui, alors, c'est mon mari qui est concierge. Ah ouais. Mon mari. D'accord. Ça va pas. Ben voilà, vous savez. Allez, bonne journée alors. Vous pouvez faire un petit son. Il faut réfléchir, ça peut être un son de clé, un truc comme ça. Porte à porte sonore. Une série radiophonique, documentaire et musicale. Troisième épisode, la cité des visitants d'Inde, octobre 2020. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous ne dérange pas. Moi, parlez pas bien français, de spreken de langue. Non. Non. En anglais? Non. Non. Espagnol? Non. Non. Ok. Poquito. On enregistre. Vous comprenez, on enregistre avec... Avec le groupe de... C'est micro. Ah, micro. Et c'est pour un bruit, un noise. Pour enregistrer chez vous, ah, dans oui, votre oui. Maison, un bruit qu'on enregistre. Geräusch. Hein? Geräusch, c'est en Deutsch. Geräusch, c'est en Nederland. Hein? Je cherchais bruit en... Ah oui, oui. Attends. Cherche. Lawaï. Tenez. Lawaï. En Nederland. Nederland. Montre. Attends. Quelqu'un qui parle français? Oui. Allô? As-tu fait cette réalisation d'un qui te crie pour français? Fais-moi un petit hasard, ma raftage. Non, parlez. Bonjour, en fait, on vient demander si on pouvait enregistrer un bruit dans la maison. Ouais. Faut que. Donc, je sais pas comment vous appelez. Mohamed, il nous invite et il active un bruit de sa maison. Pour qu'ensuite on le mette dans... C'est tous les habitants de la cité qui font ça. Et après on fait une émission radiophonique avec ce bruit. Voilà. Ah, ah, ah. Et il faudrait lui traduire, on sait qu'en néerlandais c'est lawaï, le bruit. Enregistrer ça? Oui, on enregistre avec le micro. Ah ok. Allô? Où faire d'une musique? Ah, au téléphone, sur la télévision. On a dit trop de mineurs, il y a plus de livres. Ah. Devant vos oreilles pour un petit passage est important. Natacha Saint-Pierre, Jason Derulo, BTS aussi. Et dans cette fameuse boîte du Good Morning, il y a un objet qui s'y cache. Yeah. Il faut deviner quel est l'objet qui se trouve dans cette boîte. Si vous arrivez à donner l'objet, eh bien vous remportez 1000 euros. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine. Alors n'hésitez pas à écouter le Good Morning dès demain, 6h, 10h sur Radio Contact. Résultat, notre... Donc l'obligation de... Ok, super, merci. On cherche un bruit. Moi aussi, c'est... Ah, il a entendu. Oh, super. C'est bon? Ok, merci Mohamed. Merci beaucoup. Hein. Ok. Merci, bonne journée. Ok, bonne journée, merci. C'est très gentil. Non, pas de problème. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. La cité des Visitandines est l'un des logements sociaux situés en plein cœur des Marolles, quartier en pleine mutation à Bruxelles. Inauguré en 1969 et conçu pour durer 25 ans, cette tour de 10 étages, attenante à l'un des axes ferroviaires les plus fréquentés d'Europe, fut construite avec des éléments préfabriqués, matériaux témoins d'une époque où la durabilité, l'acoustique et l'économie d'énergie ne comptaient guère. 50 ans plus tard, les 150 appartements sociaux sont encore là. Maintenant. Ouais, un bruit. Un bruit de votre maison. Pourquoi t'as la musique? Pourquoi? Pourquoi la musique? Qu'est-ce qu'on a demandé? Pourquoi la musique? Ah, pourquoi la musique? Oui. Ben, on fait de la musique, nous, mais avec des bruits. Donc on prend un bruit de votre maison et on va en faire la musique. Viens, viens. Je connais rien, viens. Je ferme. Allez, fais quoi? Merci. Comme tu veux. Ok, je ferme. Paul. Allez. Bah, merci. Merci de nous ouvrir. Non, de rien. Ouais, je connais bien, c'est tout. Ouais. Voilà. Alors, on vous explique. Hein. Donc, on fait une émission radio. Vous voyez la radio? Donc, ça, c'est une radio. Tu marches? التائبون في حاجة إلى أن نبشرهم ونأخذ بأيديهم ونعزز ثقتهم بأنفسهم ونذكرهم برحمة الله تعالى بهم وبحبه عز وجل لهم. Ah ben voilà. Quoi? À te chercher. On te cherchait. Pourquoi? Mais parce qu'on voudrait enregistrer un son de chez toi. Un son de ta maison pour faire de la musique avec. Ah ouais. Ça, tout ça, c'est avisé? Oui. Ça, c'est une joueuse de tennis. Là, c'est une joueuse de tennis. Que tu connais? Tu les connais? Oui, mais je crois qu'ils doublent, Okay. À cause de... Ah, il s'appelle aussi Alize, c'est ça? Non. Si? Alize Cornet. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas la même que celle-là. Hein. Non, ah, oui, je... ça a l'air pas, ouais. C'est quoi, Alize, c'est quoi sa chanson la plus connue? Moi, Lolita. Moi, Lolita, comment ça fait déjà, ça? C'est bien, hein? Sinon, est-ce que tu sais faire un bruit chez toi? Non. Non, ça tu sais pas. Okay. Est-ce que tu peux appuyer comme tu cherchais les chaînes avant sur le bouton là? Inside. Tour de France. Tour de France. C'est quoi ta chaîne préférée? Oh, pour moi, c'est n'importe. C'est n'importe, ok. Super. Bon, merci beaucoup. Oui. Merci. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Je sais pas si vous avez vu l'affiche, on va en faire. On enregistre des sons. Je n'entends pas bien. Ah, d'accord. On fait pour une émission, la radio. On enregistre des bruits. On voulait savoir si vous aviez un bruit. Non. Non, non. Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. J'entends moins par l'autre. Ah, d'accord. Un bruit. Un bruit et un son. Oui. Que vous pouvez faire, un bruit que vous faites chez vous, et on enregistre. Oui, j'entends des fois des bruits. Oui. D'accord. Moi, vous êtes un peu sourd. Comment? Vous entendez pas bien? Non. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire un son, un bruit dans votre maison? Hein? Est-ce que vous pouvez faire un son, un bruit, pour enregistrer? Non, je pourrais pas. D'accord. Parce que moi, je pense que j'ai acouphène. J'entends parler. C'est comme ça? Ça fait des fois des pipis, des fois ça raconte des histoires. Il y a des voix? Oui, des voix. Il raconte quoi, la voix? Tout ce que vous pensez, il vous donne la réponse. Et c'est pas votre voix, vous, c'est une autre voix? Si vous pensez quelque chose, il va vite. Vous dire, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Et c'est une voix aiguë ou grave? Comment? C'est une voix d'homme ou de femme? Non, une voix qui vient de l'intérieur. La copine, c'est ça. Hein. Ouais. Vous entendez des paroles et des fois un petit signe. Ok. D'accord. Sinon, je vais bien. Sinon, ça va. Bon, et vous pouvez pas nous faire un... Vous écoutez de la musique? Non, non, non. Est-ce que vous écoutez de la musique? J'écoute de la musique, mais... Il y a des musiques que je n'aime pas entendre du tout. Parce que dans le temps, on avait des musiques. Maintenant, il n'y a rien du tout. Vous avez des disques? Des cassettes? Oui. J'avais dit que une fois qu'on est venu nettoyer chez moi, on a tout jeté. Maintenant, j'ai plus rien. J'avais dit que c'est formidable. Je pourrais même dire que le disque est guéri. Guéri? Et vous soulagez. Maintenant, ce disque, il n'y en a plus. D'accord. Et vous écoutez la radio? La radio? Hein? N'importe quelle bêtise. Okay. Ils mettent seulement les voix horribles. Dans le temps, on avait des voix, mon ami. Oh là là là là. Maintenant, il n'y en a plus. Ça va. Ah, merci beaucoup pour votre attention. D'ailleurs, quand il vient ici ou là, j'entends rien. Ah, merci. C'est quoi votre prénom? Comment? Votre prénom? Vous vous appelez comment? Mohamed. Mohamed. Bon, maintenant je vais vous laisser parce que je dois m'asseoir. Ok. Merci pour... Merci Mohamed. Au revoir. Au revoir. Ouais, non, il y a parfois qu'il est net, mais je ne sais pas. Parfois, quand j'approche, il est très bien. C'est une radio précise? C'est Arabelle. Ça s'appelle Arabelle. C'est pour les... Le les arabes de voilà. Okay. Il y a la publicité des supermarchés. parfois ils font des missions pour les problèmes qu'il y a ici. Ok. Ils mélangent chaque les problèmes dans la ville. Dans la ville, les problèmes des familles, par des enfants. Ah, c'est un peu social. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Il y a des prières aussi ou... Hein? Il y a des prières aussi. Oui, parfois ils misent l'Adhan, ils misent parfois des morceaux de Coran. Ouais. Ouais. J'imagine aussi pendant le Ramadan. Oui, le Ramadan aussi, ouais. Ok, ok. Bah là, je crois qu'il y a des interférences avec le micro. Oui. Vous n'avez pas un son de la cuisine ou quelque chose que... Parfois, c'est, je ne sais pas qui fait la douche, mais parce qu'on a des tuyaux ici qui passent en général dans tout le bâtiment. Ça, c'est oui, ici. Elle fait un son très fort. Ça, oui. Ça vous rappelle quoi, ce son, quand vous l'entendez À minuit, à 2h du matin, ah oui. C'est vrai, il n'y a pas un temps précis, mais on l'entend de temps en temps. Okay. On peut vous demander votre prénom? Moi, Mohamed. Mohamed. Ouais. Ok. Il y a des socles, masque. Quoi? Il y a des socles. Non, moi je ne prends pas de sucre. Non. Je prends un tout petit comme ça, de café. Non, non, pas de sucre. Bien. Super. Merci. Avec de lait. Avec un peu de lait. Ouais. Merci, merci. Merci. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Hein. C'est quoi la radio que tu écoutes? Un marocain. Elle s'appelle comment, tu sais? Oui. Arabelle? Oui, Paravelle. Oui. Arabelle? Arabelle, oui. Mmh. Ouais. Ça. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Ici? Oui. 23. 23. Et avant, tu habitais où? À Riblas, 69. Oui. Il a fait les travaux, j'ai ménagé d'ici. Ok. C'était aussi le foyer? Oui. Toujours avec les foyers. Qu'est-ce que tu utilises pour faire des bruits? Ici à la cosée? Ouais. Il n'y a rien. Non, ok. Un bruit, d'accord. Quand, tu fais quoi le matin au petit déjeuner? Je vais faire les cafés. Tu fais le café? Bon, oui, directement à la télé. Et tu mets à la télé direct? Ouais, ouais. Ah, okay. L'habitude. Quand j'ai prié, et faire les cafés, venir ici, boire café, la télé. D'abord la télé. Tu pries le matin? Oui. Et quand tu pries, tu fais en silence ou tu fais une prière? Tu dis des choses? Oui, oui, oui, oui. Ah bah tu peux peut-être, on peut enregistrer ça? Oui. Ash'hadu an la ilaha illallah, ash'hadu anna Muhammad Rasulullah, hiya al-salah, hiya al-falah, qad qamati salawati, hiya wa laymut, Allahu Akbar. Allah. Ok, donc Dieu est grand. Oui, les dieux, les grands. Et Mohamed. Mohamed Rasulullah. Allah. Ça veut dire quoi? Comme ça, les dieux comme ça et moi et Rasulullah. Dieu est grand et Mohamed est à ses côtés. Voilà. Ouais. Une fois la prière par jour ou trois? Cinq. Le matin, le midi, le soir, le minuit. Ici, les montes, il fait faire Allahu Akbar. Chaque fois, il a dit. À quelle heure il fait ça? À une heure moins 10, comme ça, il fait Allahu Akbar. Est-ce qu'on peut activer ce son? J'y touche pas parce qu'il est difficile, ouais, ça. Ouais, ouais. Les boutons là, c'est quoi? Il n'y a pas de. Ouais. malheureusement, moi je suis très malade, je suis handicapé, je prends des médicaments, je ne sais pas vous aider. Bah, on ne vous dérange pas plus ça. Ok. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Mais on peut s'en de faire des choses comme ça. Sinon, ça prenait 5 secondes, hein. C'était vraiment l'histoire d'un un son, un bruit de votre maison que vous activez comme. Non. D'accord. Un grincement de porte, un bruit de lampadaire. Non, voilà. Un tiroir qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, on y va. Ah, ouais, on voit un tiroir qui se ferme. Et ben, des fois, quand je prends mes chaussures, voilà, ma dégâts. Allez. C'est quoi votre nom? Votre prénom? Mimoun, c'est marqué là. Mimoun ou? Non, bo, oui, Mimoun, mais c'est Boazas Mimoun. Mais c'est mieux Mimoun. M-I-M-O-U-N. D'accord, super. Mais d'ici là, ça ira peut-être mieux, on travaillera. On espère pas. Ok, bon, on claque la porte. Oui, au revoir. Au revoir, bonne journée. Et les clés, tout ça, quand je vais tourner. Oui. Oui, on ne vous dérange pas? Non, ça va. Ouais. Ok, en fait, nous, on vient de la radio. Oui. Ok, 5 secondes. Ouais. Ok, merci. Merci. Excusez-moi, vous êtes venu, comme on dit souvent, au mauvais moment, parce que je m'ai touché quand vous, êtes, quand vous avez frappé okay. La porte. Ah, désolé. Il n'y a pas de souci pour nous. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, voilà. Je suis prêt aussi à aller au boulot dans quelques jours, dans quelques jours. C'est en Afrique, pour aller au boulot, l'année prochaine on se prépare même, hein, parce que c'est sûr et certain qu'on n'ira pas vite. Et on fait ça ici ou dehors? Ah, oui, dans votre appartement, on peut rentrer? Ben oui, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Seulement il y a un petit foutoir ici, donc voilà. Ou la belle collection de chaussures. Pardon? Belle collection de chaussures. Ouh, ça vient d'Afrique aussi. C'est vrai? Parce que le monde avance, nous, on recule. Parce que si, faut pas aller tous ensemble. Dans la même direction. Si vous allez, voilà. Quand vous allez à l'avant, nous, on préfère reculer, voilà. On attend. Quand vous allez arriver, de toute façon, il y a à le faire. C'est jamais. C'est pas maintenant ou jamais, c'est jamais. Et vous êtes originaire de quel pays? Hein? Quel pays d'origine? Moi je suis guinéen. Guinée. De Guinée-Conakry. Ok. Oui. Ouais. Ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait tout juste ouais, 28. Ça fait 28 ans que je suis là. Ah, ça fait pas mal de temps maintenant. C'est comme si je viens d'arriver. C'est vrai? Ouais. Voilà, je vous écoute. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez que j'active? La radio? Je sais pas, par exemple. Enfin, je sais pas, je regardais les chaussures, mais peut-être elles font chacune un bruit différent. Si on les prend comme ça. Ouais. Allez-y. Ah ben, c'est, c'est un bout de le... Ah, le talon sur le sol. Le talon sur le sol. Comme ça, par exemple. Oui. Ça, c'était pas mal. Hein. Oui, vous essayez de faire toute la série des chaussures, peut-être? Le 4-5 coups. Hein. Ok, ça va. Il y a peut-être un qui va sonner mieux. C'est là. Ok, celles-là, elles sont plus claquantes. Ouais, oh, celui-là, il est nouveau, il n'a jamais été porté. Je les garde. Mais vous les ramenez d'Afrique ou... Oui. Vous allez souvent en Guinée-Conakry? Oui, ça connaît, normalement. Ils sont faits à la main? Pardon? Ils sont faits maison, comment dire? Oh, ça, oui, faits au village. Ouais. C'est le fait au village. Connaissez le cordonnier qui les fait. Exactement. Vous connaissez même l'animal? Non, il n'y a pas de numéro. Ici, nous, les numéros, là-bas, ça n'existe pas. Nous, on connaît tout. Ah, on ne note pas. Dès qu'on regarde, on garde dans la tête, donc on n'a pas besoin de noter. Quand tu parlais d'animal. Vous dites le numéro même des chaussures, vous écrivez pas le numéro des chaussures? Non, parce qu'on connaît tout par terre. Ah oui. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître, voilà. Donc quand vous arrivez, ben, le cordonnier connaît votre pied. Il n'y a pas de cordonnier là-bas. Oui, de sorte, la personne qui fait les chaussures. Nous, on vit du jour en jour. On se lève le matin, on regarde. Ah, il fait jour. Ah, ok, ça va. Aujourd'hui, c'est quand, c'est quel mois, c'est quel... On s'en fout. Parce que de toute façon, ça n'existe pas. L'Europe a déjà fait tout pour nous. Donc on suit les Occidentaux. Quand ils disent c'est blanc, on dit c'est blanc. S'ils disent c'est noir, c'est noir. Pourquoi? Parce que tout est mis en place pour que ça soit comme ça. En arabe, la casserole La cocotte. Cocotte. Ouais. Donc c'est le bruit de la cocotte. Ouais, la cocotte. Ouais. Votre prénom Haziza. Haziza. Haziza. Ouais. Shukran, Haziza. Shukran. Merci. Ça, c'est l'école, les profs qui crient comme des bœufs, des grosses bourrines. Dès le matin? Ah ouais, mais je comprends pas comment elles peuvent crier comme ça sur les gosses quoi, toute la journée, c'est crier sur eux, mais bon. Tu veux penser à un son depuis ta maison qu'on pourrait déclencher pour faire de la musique avec ça? Ça te fait penser à quelque chose? Je peux taper soit sur le réfrigérateur, ouais. Soit sur cette table, soit sur celle-là, ah. Mais sur des trucs gros. Parce que les trucs gros, ça fait beaucoup de bruit. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Okay. Je vais taper sur le gros frigo. Et je veux faire du rythme afro. Ok. Comme ça pour cette malade. Et c'est quoi le clou de girofle? Oui, c'est ça. Oui, aider comme ça comme tu fais. Ouais, c'est fort. Et tu peux attraper ouais. Ça quand tu sors. Corona, c'est un problème. Quand nous essayons pour faire des choses comme ça, nature. Oui. Ouais, c'est ouais. Vrai que ça sent bon. Bah, peut-être en allumant le gaz. Oui, peut-être allumer la. Vous pouvez allumer la. J'ai allumé. Ouais. Oui, ça va. Les ouvriers du logement ou... ouais. Merci beaucoup. Vous avez loupé les droits d'auteur. On va voir les droits d'auteur. Exclusivité, ça va. pas parler, moi. Non, non, vous n'allez pas parler. Vous allez juste faire activer le bruit que, de votre maison. Merci. Mais si c'est grand, petit, je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom? Mimouna. Mimouna. Mimouna. Ok. Merci Mimouna. Désolée parce que moi je n'ai pas parlé bien français. Bah ça va. Non, moi vous jouez bien les assiettes, papa. Bonjour, je m'appelle Stan. On fait une petite pièce pour la radio. Vous voulez faire ça maintenant? On est en train de le faire avec les habitants. Ça peut durer 2 minutes. Hein. Ça peut durer on va faire comment? Vous voulez entrer chez moi? Ou bien la musique? C'est quoi la rumba congolaise? Ouais. Oui, nous sommes des Kinshasa avec ces fous là. Ces fous là, Canan. Ces fous là. Moi, c'est une belle musique, hein, ouais, c'est, ça ne va pas? Il fallait nous dire que si on peut danser. Ah là là. Il est mort, celui qui a chanté, c'est le mort, Franco. C'est Franco. Il est mort, Franco. Ouais, le mort, Franco. Ouais. Il y a longtemps, hein. Il est mort, il y a longtemps. C'est pas lui qui chante Indépendance Cha-Cha aussi? Oui, oui, oui, il est mort. Il parle de l'indépendance. Il parle de RDC. Ah, on peut baisser un peu le son? Oui, le couper. Voilà. Oh! Celui-ci. Oh! Oui. Qui m'appelle avec ce téléphone? Ah, fixe! Il y a des notes encore. C'est le fixe. J'espère. Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, maman. Clarisse, rappelle-moi. Rappelle-moi dans quelques minutes, je suis occupée. Rappelle-moi dans quelques minutes. Hein? Dans 5 minutes. Oui. Dans 5 minutes. Ok. Tu me rappelles ton prénom? Béatrice. Béatrice, c'est toi. Ça fait 19 ans que t'es là. Oui. Ouais. Okay. Mm-hmm. Et toi, Madeleine? Moi? Toi, tu es venue 3 ans après. Hein? Peut-être, mm-hmm. Hein? Peut-être elle est venue 3 ans après. Moi, j'étais avant. Toi, t'es avant 19 ans. Okay. Toi, tu es seul. On te demande, en fait, alors, c'est bien qu'on ait eu le... C'est pas, il s'appelle, c'est Franco, on l'appelle, hein. Oui, Franco. Franco. Mm-hmm. Et aussi, on cherche des bruits que tu pourrais faire. Par exemple, de l'eau, hein. Un son que t'as. Par exemple, de l'eau. Par exemple, ici. Comme ça, hein. Fais les bains. Comme ça, hein? Très bien. C'est bon? Tu fais quoi avec cette balle? Je fais la kiné, je m'assieds là, ça ne fait pas de bruit. Mais, peut-être. Ok, bah, merci beaucoup. Merci, ouais. De rien, nous aussi. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Allez, bon après-midi. Au revoir. Allez, salut. Tu me dis, hein. Vas-y. C'est magnifique. Tu peux le faire. Ouais, dans l'autre sens, tu veux. Ouais. Fais encore une fois. C'est très fort, hein. C'est bon, hein. Oui, super. Vous appelez comment? Daniel. Daniel, ok. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. On vous dérange pas? Non. Vous allez bien? Pourquoi? Alors on fait une émission de radio, moi je travaille en bas, ouais. À l'aquarium. Non, non, pas ça intéresse moi. Bon, c'est pas, attendez, vous on fait un projet avec les habitants de la cité. Ouais. À la maison, c'est quoi les bruits que vous entendez souvent? Train. Le train? Oui. Ah oui. Vous l'entendez tous les jours? C'est vrai qu'en plus vous êtes... Tous les jours, hein? Oui. Vous êtes la plus proche au chemin de fer. Oui. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Ah, vous avez plus l'habitude. Et les travaux? Les travaux? Ah oui, là maintenant il y a les travaux. Oui. C'est beaucoup les travaux? Oui, à 6 heures du matin, ça commence. 6 heures du matin? Waouh. Ah oui. Et un bruit que ça vous plaît quand vous êtes chez vous, c'est quoi? Un bruit, un son que vous entendez chez vous que non. Ça vous n'avez pas de, non. Vous êtes plutôt c'est le train, hein? Ouais. Bah ouais. Ouais. Parce que moi, la chanson ici, de Philippines. Hein. Philippines? Oui. La cassette. Hein. La cassette? Oui. Ah ouais, vous avez ça? Bah oui. Vous pouvez nous faire écouter? On peut entrer? Allez, vas-y. Je pense être capable d'assembler un vélo. Sur le mal, ça dirait des risques d'en prendre un coup. Je ferme ou je laisse ouvert? Regardez le truc génial que j'ai trouvé. Ah, c'est beau chez vous. Voilà, ici, ton Philippine. Et vous écoutez les cassettes encore? Ouais. Vous pouvez nous faire écouter celle que vous préférez? Maintenant? Ouais. En fait, on arrive à éteindre la télé, peut-être? Je ferme. Je vite mon compte, ainsi j'aurai ma part de contribution à notre économie nationale. Super. Tayo'y biglang nagkatampuhan at pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. C'est qui votre chanteur préféré, Philippin? Oh, beaucoup. Yeah, vous avez un nom? Oui, beaucoup. Vous pouvez nous dire un nom de chanteur? Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Non. Parce que c'est ce longtemps que tu n'es pas. Oui, ok. Il n'y en a pas un dont vous vous rappelez? Oui. Hein. Et les cassettes, vous les avez amenées dans les Philippines? Philippines, l'acheté. Vous retournez des fois aux Philippines? Ouais, plus 50, pas encore parti. Hein. Ça fait combien de temps que vous habitez dans la cité des visitandines? 1920, moi ici. 1920. 1900. 20. 1920. Ça fait combien ça, 1920? 20. 20, pas 1120, pas il y a 100 ans. Oui, c'est longtemps, 1920. 80. Bah oui. Ça fait combien d'années? Ça fait 40 ans. Oui, hein. 40 ans que vous habitez ici? Oui. Ah ouais, ok. D'accord. C'est plein d'îles, les Philippines? Oui, hein. Comment elle s'appelle l'île? Philippines. Et votre île? Moi, c'est Philippines. Philippines, ouais. D'accord. Topage. Oui. Des Philippines. Super. Bah, merci de nous avoir ouvert votre porte. Merci beaucoup pour avoir partagé votre son. Et cette cassette, juste, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quand même la super ville ici, hein. Quoi? C'est quand même super, on voit l'atomium, on voit la Tour Basse, on voit la chapelle. Oui, oui, oui. Et de l'autre côté, pareil. qu'on voit même Belgacom et tout le bazar là. C'est où Belgacom? Quoi? Belgacom, vous l'avez dit? Ouais, oh merde. Il n'y a plus. C'est pareil. Ah bah je sais plus où aller. Non, de place. C'est Proximus, voilà que ça s'appelle maintenant. Ah oui. C'est les deux tours avec la passerelle au-dessus. Ah bah oui. Ça avait été un scandale à l'époque. Parce que c'était le directeur qui voulait une passerelle et ça avait coûté plus d'un million d'euros. Ah oui. On connaît la mentalité. On va aller voir les employés de l'autre côté. Ça t'entraîne. Merci. Merci. Hein. Waouh, c'est très joli chez vous. Ah, moi j'aime bien les couleurs. Ouais. Vous voyez qu'on voit tout, ça c'est la tour des pensions. Et tous ces immeubles, ça n'existait pas avant. C'est comme par exemple le grand bâtiment là, qui est face à nous, le tout grand là, avec le dôme là. Ça n'existait pas avant. Ça fait 25 ans que j'habite ici et j'ai vu tout se construire. Est-ce qu'on peut vous demander votre prénom? Christophe. Christophe, ok. Alors peut-être si on éteint la radio. Attendez, je vais l'éteindre. Mais allez, ça s'ouvre. Une fois cueilli. Voilà, super. Ça fait pas remarquer, en s'amusant, ça fait penser à des marsouins ou... Vous voyez? C'est ce que j'allais vous demander, à quoi ça vous faisait penser ce son, mais c'est vrai qu'on dirait des animaux, ouais. Marins, les marsouins, vous voyez c'est ces variétés de dauphins. Ah voilà, ok. Qui ont un nez très pointu, les marsouins. Je viens juste de réaliser que ça me faisait penser à ça quand je faisais des petits à-coups comme ça. Parce que vous les avez entendus dans des documentaires ou... Oui, oui, oui. Ouais. Parce que je regarde toujours les docs, moi j'adore ça. Ah, l'histoire, géographie, les peuples, les animaux, tout est bon. Je voulais peut-être vite retourner sur le son que tu nous as fait entendre. Pourquoi tu as choisi celui-là de la porte? Parce qu'elle me fait chier cette porte, mais copieusement. Et là maintenant je vais la voir autrement, parce qu'en m'amusant avec, là. Ça m'a fait. J'ai bien merde qu'on. Au début ça faisait penser aux baleines, après j'ai dit non, c'est les marsouins, ça, c'est les marsouins. Quand ils sont de l'autre, tu les entends. Des petits cris comme ça. Donc maintenant, tu n'as plus envie de mettre de l'huile pour enlever ce son. Ah non, non, non, j'adore maintenant. C'est comme si le bruit qui te dérangeait devenait, finalement, tu avais pris conscience qu'il pouvait être musical. C'est juste maintenant que je me suis rendu compte qu'il était musical. Parce qu'avant, allez, à chaque fois que je bouchais de porte, j'ai envie d'hurler. Ça fait 20 ans, 25 ans que j'ai envie d'hurler. Et là, tout à l'heure, en juin, c'est pas mal. Du coup, je crois qu'elle va plus m'énerver. Porte à porte, sonore. Une série radiophonique, documentaire et musicale de Maxime Lacombe et Jonathan Frigeri. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça fait penser à quoi, ça? C'est pas... À une grosse otarie, une vieille grosse otarie. Ah oui. Je pense à ça. Ça fait un peu ça, hein, des fois, quand t'as une grogne. Nous tenons à remercier les habitantes et les habitants de la Cité des Visitandines pour nous avoir ouvert leurs portes, et plus particulièrement Adeline, Aziza, Béatrice, Christophe, Daniel, Jalo, Esmeralda, Fatia, Fatima, Jean-Luc, Chimi, Madeleine, Michael, Mimoun, Mohamed, Naïma, les ouvriers du foyer, Chérifa et Topage. Mixage Alexandre Rameau. Oreille amicale Emmanuel Mizou. Une production de L'Axoso, l'atelier de création sonore et sauvage. 2021.